Les entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Bonjour à tous et bienvenue sur Fadjet la radio. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. Aujourd'hui, je vous propose de parler de Silver Economy ou d'économie des seniors en français via l'appel à projet porté par Malakoff Humanis et France Active Grand Est, qui a pour but de récompenser les projets améliorant les conditions de vie des seniors ou de leurs aidants. J'ai donc le plaisir de recevoir Julie Citreau, en charge des partenariats et de l'innovation sociale chez Malakoff Humanis, et Frédéric Schuller, responsable de la coordination régionale France Active Grand Est. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Morgane. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Julie, peux-tu nous en dire plus sur Malakoff, s'il te plaît ? Alors Malakoff Humanis est un groupe de protection sociale paritaire, mutualiste et à but non lucratif, qui s'engage tous les jours pour une société plus inclusive. Alors on est leader de la protection sociale, on assure en santé et en prévoyance les entreprises et leurs salariés, les indépendants et les particuliers, soit presque d'un Français sur six. En retraite complémentaire, on est, comme son nom l'indique, complémentaire au régime de base et on accompagne les entreprises, les salariés et les retraités dans leur démarche, soit près d'un Français sur quatre. Alors on est aussi à but non lucratif, c'est-à-dire que notre modèle, il repose sur la redistribution de nos bénéfices à nos clients, notamment à travers un fonds d'action sociale. On met notre performance au service de l'utilité sociale en se mobilisant pour des grandes causes telles que le cancer, le handicap, le bien vieillir et les aidants. Alors en tant qu'organisme de retraite complémentaire, nous, notre terrain de jeu, il est défini par les partenaires sociaux qui sont gestionnaires du régime de l'Agirc-Arrco. Et il se situe plus particulièrement sur le comment agir pour vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge, mais aussi sur le comment accompagner les aidants et soutenir les personnes en situation de fragilité. D'accord, merci Julie pour cette présentation. Alors comme je l'ai dit en introduction, Malakoff Humanis, vous êtes partenaire de l'association France Active Grand Est. Et à ce sujet, Frédéric, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la coordination régionale? Quelles sont vos missions, vos objectifs? Bien sûr, c'est vrai qu'on a entendu parler de France Active Lorraine dans ce podcast, et c'est normal, c'est le podcast de France Active Lorraine. Mais moi je vous propose de prendre un peu de hauteur, de voyager un petit peu au niveau national et même plus loin au niveau outre-mer. Parce que France Active, c'est un véritable réseau, même plus qu'un réseau, c'est un véritable mouvement, c'est le mouvement des entrepreneurs engagés. Partout à côté de chez soi, on trouvera une association France Active pour vous guider, pour vous accompagner, puisque sur le territoire, France Active, c'est 35 associations territoriales, donc qui sont au plus proche des entrepreneurs, au plus proche des territoires. Si on resserre un petit peu et qu'on s'intéresse à la région Grand Est, en Grand Est, c'est trois associations France Active qui sont présentes, donc France Active Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Chaque association, elle a son propre territoire, elle a ses propres enjeux, mais en tout cas, il y a des similitudes, parce que les trois sont implantées en région Grand Est. Donc en termes de similitudes, ça veut dire qu'il y a des partenaires qui sont communs, des partenaires régionaux, on peut citer par exemple la région Grand Est, mais également des stratégies régionales qui sont communes, telles que un schéma régional de développement économique. À côté de ces similitudes, on a des singularités, des partenaires plus locaux, des innovations plus locales. Donc l'ambition des trois associations, c'était de faire mouvement commun, tout en conservant son agilité et la proximité avec son territoire. C'est dans ces conditions-là qu'ont été créées France Active Grand Est, dont l'ambition est de faire mouvement commun entre les trois associations territoriales. Donc, France Active Grand Est, c'est 60 salariés sur le Grand Est, qui contribue donc à une économie plus inclusive, une économie plus solidaire sur notre territoire. Et donc pour contribuer à ces deux éléments, elles ont les mêmes ambitions. La première, ça va être d'accompagner la création et le développement des entreprises pour les personnes qui sont éloignées des financements bancaires, du fait de leur profil ou du fait du territoire. Et le deuxième axe qu'on partage, c'est d'accompagner les structures qui placent l'utilité sociale au cœur de leur projet. Merci Frédéric. Et plus particulièrement sur la Silver Economy, est-ce que c'est un axe qui est important pour France Active Grand Est? C'est un axe qui est important pour France Active Grand Est. Comme je le disais, en accompagnant les structures qui mettent au cœur de leur projet l'utilité sociale, on a à cœur, et c'est une ambition d'ailleurs, et qu'on partage un point commun avec Malakoff Humanis, d'accompagner les porteurs de projets qui visent l'amélioration de la qualité de vie des seniors ou de leurs aidants. D'accord, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que je vais laisser la parole à Julie pour nous expliquer justement, dans un premier temps, pourquoi cet appel à projet a été créé, le contexte aussi. Alors justement, venons-en au sujet qui nous anime aujourd'hui, le lancement de cet appel à projet. Alors comme vous l'aurez compris à travers nos deux présentations et à la fois Malakoff Humanis et France Active Grand Est, nous avons des enjeux, des objectifs et surtout des ambitions communes à travers les sujets d'innovation sociale en silver economy. Alors posons les mots, parce que la silver economy c'est quoi ? C'est vraiment une économie qui est dédiée à l'avancée en âge de nos sociétés. C'est pas un marché, mais c'est vraiment une réelle économie transversale qui trouve des déclinaisons dans de nombreux marchés, pour pas dire tous les marchés aujourd'hui. Alors à l'instar de la green economy, le vieillissement de la population, c'est une véritable lame de fond, j'ai envie de vous dire, qui va impacter tous les secteurs, que ce soit le loisir, le transport, l'alimentation, la sécurité, la santé, le domicile. Bref, vous l'aurez compris, tous ces marchés sont déjà en train de s'adapter ou de se décliner sur les segments liés au vieillissement de la population et au bien vieillir. C'est donc tout naturellement qu'ensemble, avec France Active, le réseau France Active et Malakoff Humanis, on renouvelle pour cette troisième édition un appel à projet global pour récompenser et encourager des projets d'innovation sociale dans la silver economy. Alors j'ai dit troisième édition de cet appel à projet, pourquoi ? Parce que oui, on est à la troisième édition. La première édition a été une phase expérimentale qu'on a menée avec France Active Lorraine et aussi Malakoff Humanis à l'échelle de la Lorraine. Très bonne expérience du coup, deuxième édition. On change d'échelle, on va à l'échelle régionale et là ça a été fait donc avec France Active Grand Est. Et là sur cette troisième édition, on se lance sur trois régions administratives qui vont recourir le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et aussi la Picardie. Donc on voit que l'appel à projet a pris de l'ampleur et c'est vraiment super. Justement Frédéric, quelles sont les modalités de cet appel à projet ? Oui, troisième édition, on espère que ça ne sera pas la dernière, donc on va vous donner toutes les informations, tous les éléments pour pouvoir candidater au mieux à cet appel à projet. Je rappelle l'objectif, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment important. On est là pour encourager, pour valoriser donc, des projets innovants socialement dans la silver economy. L'idée, c'est vraiment pouvoir donner un coup de pouce à des projets justement qui répondent à cet objectif. Qui peut candidater à cet appel à projet ? Eh ben, il s'adresse aux structures du champ de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire aux structures qui placent l'utilité sociale au cœur même du projet avant même la rentabilité économique. Ça peut être des associations, ça peut être des fondations, des coopératives, des entreprises sociales ou encore des entreprises plus classiques qui respectent les critères de l'ESS. On peut citer l'agrément ISUS, mais c'est un petit peu compliqué, mais ça pourrait faire l'objet, Morgane, d'un prochain podcast. Les cibles concernant les projets qui peuvent être présentés sont les cibles de la Silver Economy. Donc nous, on est vraiment sur les personnes âgées, les personnes en situation vieillissante et également les aidants. Pour les objectifs du projet, on est vraiment sur des objectifs qui visent à améliorer la qualité de vie donc de ces cibles-là, donc les personnes âgées ou leurs aidants. Ça peut concerner plusieurs champs. Ça peut concerner le champ du maintien à domicile, du renforcement du lien social, de la résidence intermédiaire ou encore activité physique adaptée ou amélioration de la santé. Concernant les phases de vie des projets, on reste assez large. Ça peut être des projets qui sont en phase d'émergence, mais avec un projet de création dans les 4 à 6 mois après le dépôt de la candidature, des projets qui sont en phase de création et qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir se lancer, mais également pour des projets qui sont en phase de développement, qui fonctionnent déjà, mais qui ont envie encore d'enrichir ce projet-là. En termes de calendrier, donc l'appel à projet est ouvert depuis le 25 septembre et il est ouvert jusqu'au mercredi 15 novembre. Donc vous avez encore un petit peu de temps pour pouvoir déposer votre candidature. Courant novembre, courant décembre, les jurys vont se réunir pour analyser les différentes candidatures. Et courant décembre, c'est un jury de sélection qui va auditionner, enfin en tout cas proposer aux candidats retenus de présenter sous un format assez rapide, plus particulièrement leur projet, nous permettant également de pouvoir poser des questions ou de pouvoir échanger plus largement sur ce projet. Concrètement, comment on candidate ? C'est très simple, on vous invite à vous connecter sur le site de France Active Grand Est, donc www.franceactive-grandest.org, où vous aurez tous les éléments, toutes les informations nécessaires, ainsi qu'un formulaire de candidature à compléter. Ce formulaire de candidature, il est composé de plusieurs parties. Déjà, une présentation de la structure qui dépose le projet. Forcément, une présentation du projet qui est déposé en termes de cibles, en termes d'objectifs, en termes de déroulement. Et un élément qui nous intéresse tout particulièrement, c'est Qu'est-ce que vous attendez de cet appel à projet? Comment on peut justement vous aider pour mettre en place, pour développer, pour permettre à ce projet-là d'émerger en vue d'améliorer la qualité de vie des seniors? Le jury va être attentif, en tout cas on sera attentif à plusieurs critères. Les critères principaux, ça va être l'objectif, donc l'amélioration de la qualité de vie sur lequel on sera attentif. Ce sera aussi la cible, donc on est bien sûr personnes âgées ou leurs aidants, et également le caractère innovant du projet. Il y a également d'autres critères qu'on va prendre en compte, c'est notamment le territoire dans lequel le projet va être implanté, la mobilisation aussi autour du projet et le modèle économique de ce projet-là. D'accord. Alors Frédéric, tu en as parlé du comment on peut aider les structures. Donc j'en viens justement à notre prochain point. Julie, il me semble qu'il y a plusieurs récompenses, si tu peux nous les détailler. Alors effectivement, il y a plusieurs prix. Il y en a trois, plus précisément. Donc le premier, ça va être le lauréat Innovation Sociale. Et c'est une enveloppe financière de 3000 euros, dont le but est de financer toutes les charges directes liées à la mise en œuvre. Le deuxième prix, ça va être le lauréat coup de cœur, ou plutôt coup de projecteur, étant donné que c'est un prix communication. Et il s'agit de la création d'une vidéo et de la diffusion sur les réseaux pour valoriser le porteur ou le projet. Le troisième prix, ça va être le lauréat mesure d'impact social, et c'est un accompagnement à la réalisation d'une mesure d'impact en partenariat avec un spécialiste de la mesure d'impact social en mode digital qui est le cabinet Impact Tract. Alors un petit focus sur ce dernier prix, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la notion d'impact social, elle est de plus en plus présente au sein des organisations, que ce soit des entreprises ou des associations. Mais mesurer son impact, c'est pas simple. Mais pourtant cela va devenir au fil des années vraiment nécessaires. Alors la mesure d'impact, elle génère plusieurs bénéfices, notamment celui, bon vous le saurez tous, hein, de rendre des comptes à ses parties prenantes plus facilement, mais aussi et surtout de se professionnaliser, c'est-à-dire d'avoir une meilleure connaissance de son activité, de sa performance et de sa pertinence auprès des clients et des bénéficiaires. Mais la mesure d'impact, elle génère aussi un autre bénéfice, c'est surtout celui de donner du sens à ses actions. Parce qu'aujourd'hui, 90% des jeunes, ils cherchent plus seulement un emploi, mais ils cherchent vraiment une entreprise qui partage ses valeurs. Et avec ces différentes données qui vont ressortir de la mesure d'impact social, l'entreprise pourra leur fournir ces éléments-là. Alors juste petite précision, Morgane encore, il y a bien trois prix. Donc le prix innovation sociale, le prix coup de cœur et le prix mesure d'impact social. Par contre, c'est trois prix pour chaque zone géographique. Donc trois prix pour le Grand Est, trois prix pour la Bourgogne-Franche-Comté et trois prix pour la Picardie. Donc neuf en tout. Ça fait beaucoup. Alors, si on vient justement sur les prix et plus particulièrement sur les gagnants des années précédentes, Frédéric, est-ce que tu peux nous en parler, en fait, qui étaient-ils, quels étaient leurs projets? Ça pourra peut-être aider un peu de futurs porteurs de projets ou des auditeurs, en tout cas, à savoir s'ils rentrent dans le cadre de cet appel à projet. Bien sûr, on a parlé de formulaire de candidature, on a parlé de jury. Revenons-en à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est des projets, et derrière, c'est des porteurs de projets avec des histoires. Et il y en a plusieurs qui ont pu justement être récompensés dans le cadre de cet appel à projet. L'année dernière, par exemple, dans le cadre du prix Innovation Sociale, donc le prix de 3000 euros qui permet de financer toute charge directe liée à la mise en œuvre du projet, c'est une association mosellane qui a bénéficié de ce prix-là, qui s'appelle Voix Haute. Comme son nom l'indique, donc c'est une association qui vise à renforcer le lien social, à renforcer la qualité de vie des personnes en situation fragile, des personnes isolées, des personnes âgées, à travers des lectures à voix haute. Ça permet de se reconnecter à la littérature et aussi de retrouver un lien social, puisque ces lectures, elles pouvaient être en individuel, mais également en groupe avec d'autres personnes. Et les 3000 euros qui ont été accordés ont contribué à la formation des bénévoles, justement, qui réalisent ces lectures, à la fois une formation pour perfectionner sa lecture à voix haute, mais aussi une formation pour l'accompagnement et pour l'écoute active, qui est aussi nécessaire dans le cadre de cette activité. Si on s'intéresse au prix coup de projecteur, comme l'a évoqué Julie, l'année dernière, c'est une association alsacienne qui a bénéficié de ce prix-là. C'est Steve, avec son association La Cutch. Donc cette association, elle vise la mobilité solidaire et écologique. L'idée de Steve, c'est à l'aide d'un triporteur de refaire voyager des personnes âgées qui ne sont plus aujourd'hui en mesure de se déplacer seules. Donc ça peut être voyager pour se rendre d'un point A ou un point A à un point B défini, ou simplement profiter d'un bol en plein air, ce qui permet d'améliorer la qualité de vie des personnes. Et le troisième prix, le prix Impact Social, l'année dernière, c'est Émilie qui en a bénéficié. Émilie, avec son association Au Pas des Chevaux, implantée en Meurthe-et-Moselle, qui est une association qui vise justement à améliorer la qualité de vie des personnes âgées à travers de la médiation équine. Donc elle a pu bénéficier de cette mesure d'impact pour montrer comment son activité va au-delà de simples résultats, au-delà de simples réalisations qui peuvent être des sorties avec des chevaux, mais comment elle impacte directement la qualité de vie des personnes. Et qu'Émilie était venue il y a 2 mois, je crois, nous parler de son projet. Effectivement. Donc voilà les exemples de projets qui ont pu être récompensés. Et en tout cas, on a hâte, Julie comme moi, de pouvoir découvrir tous les nouveaux projets qui vont candidater cette année-là. Donc n'hésitez surtout pas à candidater. Alors cette émission touche à sa fin. Je remercie Julie Citrault, en charge des partenariats et de l'innovation sociale chez Malakoff Humaniste, et Frédéric Schuller, responsable de la coordination régionale France Active Grand Est, d'être venu nous parler de cet appel à projet, donc qui, je le rappelle, a lieu jusqu'au 15 novembre et qui a pour but de récompenser les projets améliorant les conditions de vie des seniors ou de leurs aidants. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur www.franceactive-6grandest.org. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau thème des entrepreneurs engagés avec France Active Lorraine. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos actus sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et si vous avez loupé une partie de l'émission ou vous souhaitez la réécouter en podcast, rendez-vous sur fadjet.net. Bonne semaine à tous.